Autre témoignage d'archives, voici quelques flashs sonores liés à l'autopont situé au carrefour des grands boulevards avec le cours Jean Jaurès. Retrouvons tout d'abord les flux de circulation tels qu'on les entendait du dessus du pont, l'agitation du cours Jean Jaurès, recouverte par la vague de vitesse des boulevards. Sous l'autopont, un effet de voûte réverbère les sons du rez-de-chaussée et les amplifie. Mais on n'entend plus le trafic du dessus. Devant la poste, la vie urbaine polymorphe reprend ses droits, largement dominée encore par les mouvements automobiles.